quatre bouts de bois. Comment avoir chaud l'hiver dans un chalet uniquement aménagé pour l'été? Autrefois forge du village, construite pour une moitié en dur et l'autre en bois, juste à côté d'un petit ruisseau, celui qui entraînait la roue permettant d'activer le soufflet et le pilon, notre logis est un véritable palais des courants d'air. Survivre pendant la saison froide est un souci permanent depuis la nuit des temps, me rappelle Jean-Paul. Ça fait à peine quelques siècles que nous jouissons de ce confort qui nous ramollit. Nous ne nous rendons plus compte de notre dépendance et continuons à tout prendre pour acquis, croyant qu'il suffit de tourner un bouton pour mettre en route un thermostat ou allumer une lampe. Confuse, un brin coupable, je visualise toutes ces forêts qui sont parties en fumée depuis l'âge du feu. Sans parler des réserves de charbon, de pétrole et de tout ce qui se transforme en énergie. Mais un moment de honte est vite passé, et très égoïstement, j'ai mon arme secrète pour lutter contre le froid. Deux pieds bouillants qui réchauffent les miens sous la couette. J'ai épousé un homme bouillotte, un homme radiateur, véritable réservoir à calories. Que c'est bon d'être au chaud dans ses bras. Par contre, il va falloir trouver des solutions pour nos bébés. En choisissant d'émigrer ici, nous devons remettre les compteurs à zéro, redéfinir notre place dans l'univers, dans la nature, dans la société, construire notre nouveau monde, rêver notre devenir, confirmer nos valeurs. Nous sommes bien conscients que nous avons une chance extraordinaire de pouvoir le vivre et nous sommes prêts à faire les efforts nécessaires pour trouver un équilibre, bien mieux, une harmonie. Nous ne nous rendions plus compte de ce que représentait le simple fait d'avoir chaud. Nous l'apprenons à nos dépens, quand il nous faut dégeler aux sèche-cheveux les conduites d'eau qui risquent de péter, empiler couettes et duvets dès le début de l'automne, calfeutrer portes et fenêtres, voire carrément en condamner certaines, et partir à la quête des moindres trous de souris par lesquels un air glacial trouve moyen de se faufiler pour transformer une pièce en chambre froide. En novembre et décembre, nous travaillons avec les moyens du bord. Un chauffage infrarouge dans la minuscule salle de bain, récemment installée. Un radiateur à bain d'huile, scandaleusement vorace, dans notre chambre à coucher. Un petit fourneau à bois au pied de l'escalier, voilà, pour le rez-de-chaussée. Un fourneau mixte qui arrive au bout du rouleau, mi-bois, mi-charbon, dans la pièce à vivre. Deux radiateurs à alcool, un dans la chambre des enfants et un dans mon bureau, voilà, pour l'entresol. Quant à l'atelier de Jean-Paul sous le toit, il attendra. Nous nous débrouillons avec les réserves de charbon abandonnées à la cave en attendant mieux. Mais c'est loin d'être notre combustible préféré. Ça pue et c'est sale. Vivement que les stères de bois commandées début novembre nous soient enfin livrées. Ils le seront le 23 décembre. De beaux stères, une fortune. Du bois qui chauffe deux fois, comme le disent et redisent les passants indigènes, impitoyables d'ironie douteuse en regardant mon pauvre mari s'échiner à le scier, puis à le fondre, sans proposer leur aide pour autant. Mon cœur saigne de le voir dépenser toute son énergie quotidienne à assurer notre confort minimal avant de finir par s'écrouler, trahi par la douleur. Que de semaines de frustration il aura vécu ce premier hiver, à force d'être sans cesse freiné dans ses désirs de création. J'ai beau lui dire et lui répéter que ce n'est pas sa faute s'il est malade, ne peut s'empêcher de se sentir coupable, inutile, impuissant à remplir à la fois ses rôles d'époux, de père de famille et d'artiste peintre. Quelques mois plus tard, nous trouverons, par le biais de la commune et de la compagnie de chemin de fer du bois, extrêmement bon marché, issu des coupes d'entretien de la voie ferrée. Ce n'est pas le meilleur, mais il brûle. Bien plus tard, au Diableret, nous nous laisserons séduire par un poêle en céramique, muni d'une fenêtre permettant de voir les flammes. Sur fond de pastoral, c'est le top. Mais bien avant cela, nous aurons fait percer une trappe entre le salon et l'atelier, qui sera enfin tempérée. Entre deux sessions de scie et de hache, Jean-Paul profite de son temps d'immobilité forcée pour de longues séances de câlins devant des dessins animés, Charlotte et Thomas se partageant ses genoux. Chaque fin de mois, nous investissons dans un long métrage de Walt Disney et désormais le chalet résonne des chansons de Blanche-Neige, La Belle au bois dormant, Cendrillon, Merlin l'enchanteur, Mary Poppins, et tous les autres. Quand Touma n'est pas sur les genoux de son père, il dort douillettement installé dans son berceau d'osier garni d'une peau de mouton. La laine le réchauffe, lui offrant une sécurité animale qui n'est sans doute pas loin de lui en rappeler une autre. Pendant ce temps-là, je brasse de l'air. Très fatigué par mon récent accouchement, mais obnubilé par mon désir de participation, de solidarité, croyant impératif de remplir un cahier des charges que personne ne m'impose. « Je ne voudrais pas avoir le même patron que toi », me répète Jeannot constamment. Hélas, je me sens responsable de mon premier vrai nid et me suis donné pour priorité de calfeutrer le plus vite possible les entrées d'air froid, portes vermoulues et fenêtres à l'enchâssement en bois cironné. J'ai déjà collé les joints supposés assurer l'étanchéité. Désormais, je m'initie au patchwork. Achète du tissu, du molleton et confectionne des rideaux rembourrés. Le résultat, sympa, donne une impression douillette et confortable. Devant le chalet, les bûches s'empilent et forment à leur manière une sorte de protection. C'est quand même moins désagréable que ces isolations à la bouse de vache utilisées dans certaines régions où le bois manque. Non? Après la fonte des neiges, nous condamnons l'ouverture qui donne sur la cave depuis l'arrière du chalet. Nous bouchons en le cimentant le trou qui servait à y déverser le charbon, puis assainissons le sol avec une bonne couche de gravier que Marcel, encore lui, nous aide à transporter. Marcel, notre ange gardien, sans qui nous n'aurions jamais pu vivre tout ce temps à la Forclin. Contemporain de ma belle-mère, il a grandi dans le même patelin qu'elle, à l'autre bout du canton. Il a fréquenté les mêmes écoles, dansé dans les mêmes bals, et ce fut une belle surprise de le retrouver ici. Cela fait 20 ans bien sonné qu'il y a son chalet, mais il se plaint ponctuellement d'être toujours considéré comme un étranger, malgré ses efforts d'intégration et sa position d'homme à tout faire dans le village. Rapidement, il nous prend en affection, se laisse adopter. Non seulement il nous aidera à vider la cave de son charbon résiduel, puis à la remplir de 3 mètres cubes de gravier, mais il sciera et rangera notre bois chaque année, allant jusqu'à acheter de ses propres deniers une scie à ruban pour soulager Jean-Paul de ses travaux trop lourds pour lui. Il creusera la nouvelle fontaine dans le Mélès que nous devrons abattre, et enfin il partagera quelques gâteaux d'anniversaire, spécialité de la maison. Pendant les 5 ans que nous passerons là-haut, Marcel nous sera d'une aide inestimable. Pour en finir avec la cave, Jean-Paul isole le plafond avec des lattes de bois. Ensuite, nous la garnissons de casiers pour entreposer pommes et pommes de terre, ainsi que d'étagères pour caser les conserves. Toutes nos cueillettes seront soigneusement séchées, accrochées au plafond de la chambre pour commencer, puis égrenées ou effeuillées et conditionnées dans des boîtes étanches. Une fois résolus les problèmes de chauffage, nous n'avons plus, en attendant le printemps, les premières cueillettes et l'ouverture du jardin potager, qu'à sécuriser la maison. Nous tentons d'éliminer les pièges à bébés, bouchons et camouflons les prises électriques, habillons les poutres aux arêtes trop aiguës d'un enrobage molletonné. Un parc à multiples rallonges empêche l'accès aux fourneaux brûlants. Qu'ils sont touchants nos petits au retour d'une promenade dans la neige, rongés sur le canapé, enrobés de couettes et d'oreillers, regardant Fantasia en attendant que la pièce se réchauffe. Notre quotidien varie peu. Scier, couper, monter du bois, remplir les différents fourneaux. C'est celui du sous-sol qui donne le plus de fil à retordre. Le jour du bain, il faut tempérer tout l'étage, ce qui, à coups de minuscules bûches, prend des heures. Jean-Paul, préposé au chauffage, descend le panier de bois ainsi que son carnet de croquis. Il reproduit des paysages de William Turner tout en chauffant les lieux. Cependant, à notre altitude, l'air est moins pollué qu'en ville, et Henriette nous fait vite comprendre qu'ici, il n'est pas indispensable de baigner les enfants tous les jours. 2 bains par semaine sont largement suffisants. Je ne saurais clore ce chapitre traitant de chauffage sans évoquer la cuisson des aliments. À ce jour, nous sommes riches d'une cuisinière électrique 3 plaques, sans thermostat, avec 4 niveaux de cuisson, tiède, chaud, brûlant, brûlé. et d'un fourneau à bois dont nous percerons les mystères progressivement, apprenant à doser les quantités et les grosseurs de bûches ainsi que les différentes essences. Du sapin pour commencer, puis du hêtre pour garder une chaleur constante. Nous aimons cuisiner au bois et apprendrons vite à tout faire avec notre fourneau que les gens d'ici appellent un potager à bois, sans doute parce qu'on y cuisait les potages. Nous y rôtirons même une dinde de Noël. Notre gourmandise est sans limite. Nous testerons les madeleines, les brioches, les coupe-l'œufs, les caramels à la crème. Elles sont évidemment réalisables tant au potager qu'avec une cuisinière électrique civilisée, voire nucléaire.